pas. C'est tout le serveur qui est vu quand je crie. C'est tout le stream qui s'ennuie. Une armée vivante. Et cette armée, c'est vous.